comprendre la Chine par son histoire. Bonjour et bienvenue à cette 32e émission de Prendre la Chine par son histoire. Carl Derry au microphone, il me fait extrêmement plaisir de vous accueillir à nouveau cette semaine, alors que le printemps semble très bien installé parmi nous, avec des oiseaux qui migrent au-dessus de nos têtes et d'autres plus petits qui chantent le matin sous nos fenêtres. Je vous propose aujourd'hui une émission particulière, alors que nous allons bien sûr poursuivre le récit de notre histoire de la Chine à dos de tortue. Et sur ce point, nous étions rendus à parler de ce qu'on nomme le grand mouvement du 4 mai 1919, sur lequel nous allons revenir sous peu. Mais avant de retourner à ce récit, je voudrais prendre quelques minutes pour parler aujourd'hui de l'importance d'une posture intellectuelle qui se situe à mi-chemin entre la créativité et l'honnêteté. Une posture qui ressemble à ce qu'on pourrait nommer une intégrité créatrice, que je situe au fondement d'une éthique rayonnante. Le premier point à partir duquel j'aimerais observer cette posture intellectuelle concerne un des thèmes par excellence de l'actualité, à savoir la question de la non-intervention de la Chine dans le conflit en Iran. Comme objet d'analyse, je vais prendre un épisode publié le 2 avril dernier sur la chaîne YouTube de 7 jours sur Terre, chaque jour sur Terre. C'est un épisode qui est intitulé « Mais pourquoi la Chine ne fait rien? » Dans cet épisode, Benjamin Tremblay analyse de manière méthodique les différentes hypothèses qui circulent et qui peuvent nous aider à comprendre cette apparente inaction de la Chine dans le conflit entre Israël, les États-Unis et l'Iran. Selon son analyse des facteurs politiques, militaires, stratégiques et philosophiques, il y aurait 5 ou 6 grandes raisons qui expliqueraient l'attitude de la Chine. Et celle-ci se résume à, premièrement, l'incapacité de projection de la puissance militaire chinoise en dehors de la région du Pacifique. Ensuite, l'inexpérience de l'armée chinoise dans des conflits à haute intensité. Puis, la priorité absolue accordée à la protection de sa propre économie. À cela s'ajoute le fait que la Chine n'aurait pas de véritable allié, mais seulement des partenaires stratégiques, ainsi que le fait que la Chine souhaiterait éviter la formation d'une coalition anti-chinoise sur la question de la reprise de Taïwan, et finalement, une philosophie de la patience calculée. Ces différentes hypothèses sont relativement bien présentées de manière générale, mais il y a aussi à travers les arguments des affirmations douteuses, pour ne pas dire des erreurs factuelles qui méritent d'être soulignées. Par exemple, lorsqu'on parle de l'inexpérience de l'armée chinoise, on nous dit que, à l'exception de la guerre de la Corée, entendons ici la guerre de Corée, l'armée chinoise n'a jamais combattu dans un conflit à haute intensité de toute son histoire. Or, même s'il est vrai de dire que l'armée chinoise est beaucoup moins expérimentée que l'armée américaine, de dire qu'elle n'a jamais combattu dans un conflit de toute son histoire, ceci est factuellement faux. Mis à part les guerres frontalières entre la Chine et l'Inde en 1962, puis entre la Chine et l'URSS en 1969, il y a eu en 1979 une importante confrontation militaire entre la Chine et le Vietnam, au cours de laquelle les pertes de vies humaines ont été estimées entre 10 000 et 30 000 morts de chaque côté, ce qui, à mon sens, entre dans la catégorie des conflits militaires d'envergure. Autre point, on nous dit ailleurs que la Chine n'a pas véritablement d'alliés à proprement dire, seulement des partenaires. Or, bien que l'affirmation soit juste pour ce qui est d'expliquer les relations avec le Venezuela, l'Iran et la Russie, c'est encore une fois factuellement faux au sens plein du terme. À cet effet, la Chine et la Corée du Nord ont signé un pacte d'assistance mutuelle depuis le 11 juillet, 1961, dans lequel l'article 2 stipule expressément le fait que si l'un des deux pays est attaqué, l'autre pays va venir à son secours, ce qui correspond précisément à la définition d'un allié au sens géopolitique du terme. Je trouve dommage qu'on puisse trouver des négligences factuelles aussi importantes dans une vidéo qui se présente comme une analyse complète de la situation et qui, avec un peu plus de rigueur scientifique, aurait eu un potentiel pédagogique vraiment intéressant. D'ailleurs, on utilise souvent le terme « red flag » pour parler des relations humaines, des signaux qui nous indiqueraient qu'une personne serait à éviter selon qu'elle aurait tel ou tel type de comportement ou d'habitude. Lorsque vient le temps d'évaluer les informations que nous recevons, que ce soit sur le web, dans les journaux ou même dans les livres d'histoire, ce genre de red flag existe aussi. Et nous devons être prudents chaque fois que nous les rencontrons. Par exemple, dès le début de la vidéo en question, on nous disait que « D'ici la fin de cette vidéo, je vous promets que vous comprendrez exactement l'attitude de la Chine et les véritables raisons. » Et tout de suite, en entendant ces mots, je décroche un peu. Comprendre exactement ainsi que les véritables raisons sont des expressions que la nuance scientifique nous enseigne à avoir en horreur. Ce sont des mots et des manières de dire les choses qui, à proprement parler, sont incompatibles avec une connaissance historique qui se veut scientifique. D'ailleurs, malgré la grande pertinence de ces analyses sur les différents facteurs qui aident à comprendre la complexité de la position chinoise sur la guerre en Iran, cette vidéo intitulée « Mais pourquoi la Chine ne fait rien » ne mentionne pourtant à aucun moment les actions concrètes posées par la Chine, dont les efforts diplomatiques entrepris depuis le début de la guerre en Iran. En plus de l'envoyé spécial Jai Chun, dont nous avons déjà parlé, dépêché au Moyen-Orient depuis le 8 mars dernier, ainsi que les entretiens téléphoniques de Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères, avec ses homologues des pays de la région, tout porte à croire que la Chine serait peut-être aussi impliquée en coulisses dans la proposition de médiation de paix faite par le Pakistan pour tenter de trouver une voie de sortie pour cette guerre. L'objectif n'est pas ici de faire porter le chapeau de la vertu aux Chinois en face d'un président américain qui serait de plus en plus irrationnel, loin de là, mais tout simplement de rappeler que si on veut être en mesure d'apprécier et de comprendre la complexité du monde, ce n'est pas à coup de clickbait ou de formule choc comme celle évoquant la vraie vérité exacte que nous y parviendrons. C'est plutôt par l'expression d'une créativité bien nourrie que la science historique peut continuer à progresser. Et pour cette raison, j'ai choisi de mettre en valeur aujourd'hui la créativité. Et pour ce faire, on va se tourner tout de suite en musique avec une première pièce dont le titre est tout simplement « Hua », ce qui signifie « dessiner, peindre ». C'est une chanson de Chao Lei qui nous raconte tout au long de la pièce ce que la créativité peut apporter à notre vie, alors qu'il nous invite, malgré la solitude, à imaginer tout ce qu'on veut dessiner et à le faire autant dans notre mémoire que dans le réel de nos quotidiens. Si Saint-Exupéry savait chanter en chinois, le titre de cette chanson serait peut-être tout simplement « Dessine-moi un mouton ». Alors voici donc Chao Lei qui nous interprète une chanson intitulée « Hua ». Thank you. 哭画上一个月亮，把我画在那月亮下面歌唱，为冷清的房子画上一扇大窗，再画上一张床，画一个姑娘陪着我，再画个花边的被窝，画上灶炉与柴火，我们一起生来一起活。上母亲安详的姿势，还有橡皮能擦去的争执，画上四季都不愁的粮食，悠闲的人从没心事。上一个月亮。 Nous sommes de retour à l'antenne de Prendre la Chine par son histoire et nous poursuivons brièvement notre réflexion sur l'intégrité créatrice dont nous avons parlé en début d'émission. Et cette fois, nous allons explorer la question de l'honnêteté des discours à partir d'un autre thème de l'actualité, à savoir la mission spatiale Artemis II, dont le lancement a eu lieu le 1er avril dernier. Il s'agit d'une mission spatiale extrêmement importante au sujet de laquelle, sans être un spécialiste de la question, il est assez aisé de comprendre que c'est le vol spatial habité qui s'est rendu le plus loin en termes de distance de la Terre en se rendant de l'autre côté de la Lune. Mais malgré tous les exploits scientifiques qui se rattachent à la mission Artemis II. En écoutant le lancement en direct sur les ondes de Radio-Canada, je n'ai pas pu m'empêcher d'être profondément déçu des commentaires entendus par les journalistes et les spécialistes qui décrivaient l'événement en donnant l'impression que, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on aurait la chance de voir la face cachée de la Lune. Or, encore une fois, pour reprendre une expression énoncée plus tôt au début de cette émission, c'est là quelque chose de factuellement faux. Et même en prenant le soin d'analyser les mots précis utilisés alors qu'on disait que c'était la première fois qu'un humain verrait de ses propres yeux, il y avait quand même une très forte partialité dans le traitement de la nouvelle qui mérite d'être soulignée. En fait, ce qui m'a particulièrement déçu, ce n'est pas tant les choses entendues en tant que telles, mais surtout les choses dont on ne parlait pas. Pour dire les choses simplement, ce n'était pas la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on explorait ou même qu'on voyait la face cachée de la Lune. Mis à part le fait que les premières images de la face cachée de la Lune dateraient de 1959 et auraient été prises par une sonde soviétique, plus près de nous, il serait bon de rappeler que la Chine s'est posée sur la face cachée de la Lune en janvier 2019, puis une autre fois en 2024. Certes, il ne s'agissait pas de vols habités, mais un rover d'exploration lunaire a tout de même été déployé et plusieurs images de la face cachée de la Lune ont ainsi pu être ramenées et même de nombreux échantillons de roches lunaires ont été ramenés sur Terre afin de permettre à la communauté scientifique de les analyser. Il est évident que les journalistes n'ont pas à tout dire sur tous les sujets lorsqu'ils nous parlent d'un événement. Cela va de soi. Mais pour un sujet aussi précis que celui de l'exploration de l'espace et de la Lune, alors qu'on sait pertinemment qu'il existe une rivalité importante entre la Chine et les États-Unis pour savoir qui sera le premier des deux à envoyer à nouveau quelqu'un marcher sur la Lune, pour citer Tintin, il me semble qu'un minimum d'intégrité exigerait que tous les faits connus soient rapportés lors d'un événement d'une telle ampleur. Parler de l'exploration de la face cachée de la Lune sans mentionner les avancées récentes réalisées par la Chine dans ce domaine et ainsi laisser sous-entendre que les seuls progrès viendraient de nos voisins du Sud, cela reflète une partialité qui frôle la malhonnêteté journalistique et qui trahit une forme de chauvinisme culturel. En mentionnant les avancées récentes de la Chine en matière d'exploration de la face cachée de la Lune, on aurait ainsi tout simplement été en mesure de mieux comprendre, avec précision, quelle était la nouveauté et la spécificité de la mission Artemis II, qui vient tout juste de poser un jalon historique supplémentaire dans l'aventure humaine de l'exploration de l'espace, et pas seulement dans le carnet de vol des missions qui sont organisées par la NASA. Pourquoi choisir de parler à ce moment-ci de cette posture intellectuelle que j'ai nommée l'intégrité créatrice? Une posture qui se situe à mi-chemin entre la créativité et l'honnêteté? Il y a deux raisons principales qui me semblent justifier ce choix. D'abord, comme je l'explique depuis le début de cette aventure radiophonique, nous sommes dans un cours d'histoire qui porte sur la Chine. Et il est bon de rappeler à l'occasion que l'enseignement et la recherche en histoire nécessitent une méthodologie particulière. Enseigner un cours d'histoire ne consiste pas seulement à énumérer des dates ou des faits objectifs qu'on pourrait répertorier sur une grille d'analyse scientifique immuable, comme on semble vouloir le faire, par exemple, avec le matérialisme historique. Raconter l'histoire implique toujours une forte dose de créativité et d'imagination. Et c'est un exercice qui témoigne, qu'on le veuille ou non, de valeurs profondes, de croyances et même, à l'occasion, d'idées préconçues qui orientent nos manières de faire et de dire. Et c'est justement pour ne pas s'y perdre et pour ne pas sombrer dans un relativisme absolu que celui qui raconte l'histoire a besoin d'une boussole constituée de principes et d'une méthode qui correspond précisément à ce que je nomme une intégrité créatrice, faisant le pont entre les arts et la science, une posture intellectuelle que je situe au fondement d'une éthique rayonnante. je disais qu'il y a deux raisons importantes qui justifiaient le pourquoi parler de tout ceci à ce moment précis. Tout simplement parce que nous revenons maintenant à notre récit historique de l'histoire de la Chine à dos de tortue, et que nous allons maintenant discuter de la vaste transformation culturelle, voire civilisationnelle, qui se déroule en Chine dans le contexte de ce qu'on nomme le grand mouvement du 4 mai. Une période de bouleversement intense au cours de laquelle les intellectuels chinois vont redéfinir complètement leur rôle face à la société et face au pouvoir politique. Et c'est justement de ce contexte de changement profond qu'est inspiré le concept de l'intégrité créatrice à laquelle je fais mention depuis le début de l'émission. Si on avait à résumer sommairement ce qui se passe en Chine chez les intellectuels chinois de la fin du 19e siècle jusqu'au début des années 1920, on pourrait dire tout simplement qu'ils ont pris conscience de quelque chose qui ressemble à ce que je nomme aujourd'hui l'intégrité créatrice. Mais avant d'explorer ce grand mouvement du 4 mai, dans le détail, nous allons tout de suite nous tourner vers une deuxième pièce musicale pour aujourd'hui. Nous avons entendu beaucoup de pièces musicales jouées à partir d'instruments chinois traditionnels depuis le début de l'émission, comme le guzheng, le pipa, le erhu ou encore le guqin, le yangqin ou la flûte xiao. Mais aujourd'hui, on va entendre un orchestre moderne qui met en valeur tous ces différents instruments. Il s'agit du China National Traditional Orchestra, Zhongguo Zhongyang Minzu Yuetuan, qui est basé à Pékin et qui a été fondé en 1960, comprenant une centaine de membres, incluant des chanteurs et la plupart des instruments de musique traditionnelle chinois. La pièce choisie pour aujourd'hui est jouée par l'orchestre et elle met en valeur deux instruments en solo, à savoir le pipa et la flûte xiao. Et c'est une pièce qui est parfaite pour la saison actuelle, inspirée d'un célèbre poème rédigé par Chang Zhuosu à l'époque de la dynastie Tang, fin 7e, début 8e siècle. C'est un poème qui est relativement long et qui s'intitule « Chun Tian Hua Yue Ye », ce qu'on peut traduire par « Reflet nocturne de la lune sur une rivière au printemps ». On y retrouve des descriptions de la nature ainsi que des réflexions sur la relation entre l'éphémérité du monde qui passe et les choses immuables qui restent. Comment font foi les vers suivants tirés de ce poème? Qui a vu le premier, la lune au bord du fleuve? En quelle année a-t-elle éclairé les hommes pour la première fois? Les générations humaines diffèrent et se succèdent sans fin, alors que la lune, au-dessus du fleuve, reste fidèle à elle-même. Voici donc le China National Traditional Orchestra avec une pièce qui s'intitule « Chun Tian Hua Yue Ye ». Et nous, on se retrouve tout de suite après la pause. Thank you.